Ces panneaux sont des signaux temporaires puisqu'ils sont posés sur le sol. Mais le fait qu'ils soient temporaires ne diminue en rien leur force, il s'agit bien d'interdiction. Le signal de droite signifie qu'à partir de celui-ci, il est interdit de dépasser tous les véhicules à moteur à plus de 2 roues. Cette prescription s'applique quelle que soit la vitesse à laquelle ils circulent. Ici, et à partir des panneaux, je ne pourrai donc ni dépasser une moto avec sidecar, ni une voiture de tourisme, ni un camion. Réponse B, C et D.